Activité 2, page 110. Piste 84. A. Je cherche une robe, s'il vous plaît. B. J'achète cette montre. C. Oui, ces chaussures me plaisent beaucoup. D. Ce livre coûte 18 euros.